Les presses du monde ont rapporté largement la nouvelle de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Les journaux, les agences de presse, les radios, les télévisions et les homepages d'Internet de divers pays comme la Russie, la Chine, le Vietnam, le Laos, la Syrie, l'Iran, l'Inde, le Népal, la Thaïlande, la Malaisie, le Myanmar, Singapour, l'Australie, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, la Guinée, la Mauritanie, la Grande-Bretagne, la Roumanie, la Tchèque, la Suisse, les États-Unis, le Costa Rica, le Venezuela, le Nigeria, le Congo démocratique, la Pologne, l'Italie et l'Allemagne ont informé de cette nouvelle sous les titres comme « Promotion du dirigeant Kim Jong-un de la Corée au poste suprême de l'État ». Les masses médias ont présenté les photos du maréchal.